pendant la belle saison, il arrive parfois des avaries, comme l'infiltration d'eau ou autre. Pour tous travaux de construction ou rénovation après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS, de vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence, 24 heures sur 24, nettoyage d'échangeurs d'air et aussi de conduites de ventilation. Pour nous rejoindre, 418-679-4178. Monsieur Régent Côté souhaite la meilleure des chances aux équipes qui participent à la Coupe du Québec de vélo de montagne à Saint-Félicien en fin de semaine et vous invite à voter en très grand nombre pour la candidature de Saint-Félicien dans le cadre du projet Craft Hockeyville. On continue le tour des villes ou des municipalités qui vont faire face à Saint-Félicien dans le cadre du concours Craft Hockeyville. On sait que ça commence le 14, ça commence vendredi et samedi. Le concours ou encore la période de votation. Et là, on s'en va à Pence, en Saskatchewan, parler avec une Québécoise. Je suis donc bien chanceux, moi. Je pensais que j'allais être obligé d'avoir quelqu'un qui parle en anglais, qui traduise mes questions. Mais jusqu'à là, ça va bien. On est allé à Twight Valley, c'est le passé. On avait une femme qui parlait, qui comprenait le français, qui avait appris le français. Et là, c'est une Québécoise qui est rendue en Saskatchewan, qui fait partie justement de ce comité-là pour Pence. On parle à Ariane Desrosiers, qui est native de Rimouski. Bonjour, Ariane. Bonjour. Ariane, d'abord, qu'est-ce qui t'a amené à Pence, en Saskatchewan, partant de Rimouski? Je suis déménagée il y a longtemps pour aller à l'université, puis j'ai eu un emploi, et j'ai rencontré mon mari, puis maintenant on habite à Pence, qui est son village natal. OK. Pence, pour bien situer les gens, c'est par rapport à Regina, Saskatoon, qu'on connaît bien, c'est-tu bien loin? C'est environ 30 km à l'ouest de Regina. OK. Et Saskatoon, un peu plus loin de Saskatoon, c'est ça? Oui, c'est à peu près 2 heures en auto. Pourquoi Pence a choisi ou a participé cette année au concours Craft Hockeyville? Raconte-moi ça. Ben, l'aréna qu'on a présentement a été construite en 1989 après un feu qui a détruit l'ancienne aréna. Okay. Puis on a fait beaucoup de levées de fonds en 89 pour reconstruire la nouvelle aréna qui a maintenant 30 ans, donc c'est pas très nouveau. Puis les systèmes qui sont en place ont maintenant 30 ans, donc ça devient un peu usé. Puis le système de refroidissement pour la glace est au point où qu'on attend comme que ça casse. Le bris est imminent. OK. Donc, pour remplacer ça. Puis, l'estimé qu'on a eu, c'est de 300 000 $ pour remplacer tout le système de tuyautage. Puis, le sol doit être renouvelé en dessous de la glace. OK. Donc, il faut faire beaucoup de levées de fonds. Puis, on a commencé depuis l'année dernière. Puis, on a déjà collecté 56 000 $ mais le concours Craft Hockeyville, ça l'aiderait vraiment beaucoup à notre projet. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé de vous inscrire? C'était-tu la levée de fonds? Qui a eu l'idée d'abord? C'est le comité de parents qui sont tous des bénévoles pour l'aréna qui ont décidé que ça valait la peine d'essayer. Puis on a mis notre nom dans le concours. On a dit, bon, pourquoi pas. Puis ça l'a vraiment parti comme en feu durant l'hiver. Puis on s'est ramassé dans les quatre premiers. Êtes-vous surpris de ça que vous êtes ramassé dans les quatre premiers? Je pense que oui. Ben, je sais pas, c'est au mois de mars, l'enthousiasme était là. L'enthousiasme, puis avec la situation qu'il y a dans le monde présentement, ça a comme donné un coup, puis on s'attendait plus vraiment à rien, puis on attendait, puis d'un coup, on a eu le courriel de Sportsnet pour nous dire qu'il faisait l'annonce là, il y a 2 semaines, puis là, l'enthousiasme est revenu, puis je pense que on s'attendait, je ne sais pas si les gens étaient... s'attendait à ça, mais c'est vraiment excitant. C'est excitant de nous voir à la télévision. En plein été, comment vous allez faire? Hein? Pour l'annonce samedi prochain? Oui, pour faire sortir le vote, parce que là, c'est important. Là. Vous êtes une petite communauté, je pense, de 500 personnes, c'est ça? Exact, ouais, à peu près 500 personnes. On a fait des vidéos, donc mon mari et moi, en fait, on a fait des vidéos avec la mascotte qu'on a créée au mois de mars. Puis, on les annonce là, chaque jour cette semaine. Donc, la première vidéo est sortie sur notre compte Facebook aujourd'hui. Puis, on fait beaucoup d'entrevues les différents, le président de comité et d'autres personnes qui sont bénévoles font des entrevues à la radio, à la télévision toute la semaine, puis on met des affiches sur l'autoroute ce soir, puis on espère que tout l'Ouest va être derrière nous. Parce que là, l'Ouest, faut le dire, l'Ouest, c'est pas mal tout, vous autres, là, parce que c'est l'île du Prince-Édouard et l'autre, je pense, c'est au Labrador, c'est ça? Donc, exact, oui. Ça peut être un certain avantage. Oui, ça peut être un certain avantage pour l'Ouest, en fait. Là. C'est ça qu'on espère. On espère que tout l'Ouest va se mettre derrière nous puis voter pour le petit village en Saskatchewan. Le Saskatchewan a eu plusieurs finalistes depuis les dernières 13 années que ce concours-là existe. Je pense qu'il y a eu 4 ou 5 places qui ont été finalistes, mais il n'y a jamais un endroit en Saskatchewan qui a gagné depuis 13 ans. OK. OK, donc finaliste. Donc, vous pensez que ça pourrait être votre tour cette année? On aimerait bien ça, oui. OK. Pence, 249, il y avait 500 personnes, mais y a-tu quand même des communautés, une communauté plus populaire à côté? La ville la plus grande à côté de nous, c'est Regina. OK. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent On n'est pas vrai, on n'est pas une banlieue, on est assez loin pour pas être banlieue, mais les gens travaillent beaucoup en ville. OK. C'est très agricole là-bas, hein? Oui, oui, il y a beaucoup de fermiers. Aux alentours, oui. Mon mari est fermier. OK, OK. Ben, on va vous souhaiter je ne sais pas si on peut vous souhaiter bonne chance. Certainement que vous allez certainement travailler fort pour faire sortir le vote vendredi, c'est ça? Est-ce qu'en été comme ça, c'était dur? C'était plus dur de mobiliser le comité bénévole. Combien vous êtes dans votre comité bénévole? C'est sûr que c'est plus difficile. On est à peu près 10. OK. Mais ça se répand beaucoup. Là. En fait, techniquement, moi et mon mari, on n'est pas dans le comité, mais on s'est fait comme prendre par la main et aller aider. Puis c'est comme ça avec presque tout le monde. Là, il y a plein de gens qui offrent leurs services pour aider à ramasser des votes. Là, c'est tout le village est derrière ça, puis on espère vraiment que ça va fonctionner. C'est comme Saint-Félicien un peu. J'étais allé à Saint-Félicien aujourd'hui, il y a des affiches partout. J'imagine que c'est la même affaire à Pence ou même à Regina. Vous avez dit, à 30 km de Regina, vous avez dit, installer des affiches. Oui, exact. Là, il y a beaucoup de choses dans les vitres des gens, puis dans les cours en avant. C'est pas mal de fun à voir. Ben, Madame Desrosiers, on va vous souhaiter la meilleure des chances si on peut vous la souhaiter. Nous, on aimerait bien ça l'avoir à Saint-Félicien. Donc, on va vous souhaiter bonne chance et au plaisir peut-être de se reparler un jour. Oui, bonne chance à vous aussi. Ariane Desrosiers, qui est native de Rimouski, qui travaille activement pour Pence, pour le concours Craft à Québec.